Lettre 35e, Sir John Belmont, à Lady Howard, Paris, 11 mai. Madame, je viens de recevoir la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire et je ne perds pas un instant pour y répondre. On peut passer pour saint et avoir bien des défauts. On peut également être peint sous les couleurs les plus odieuses, sans être dépouillé de tout sentiment d'humanité. C'est, madame, une vérité dont je me flatte de vous convaincre d'un peu relativement à M. Villard et à moi. Quant à la jeune demoiselle qu'il se propose de me présenter si obligeamment, je lui souhaite tout le bonheur auquel elle semble avoir des droits par la protection dont vous l'honorez, et pourvu seulement qu'elle ait une partie du mérite de la personne à laquelle vous la comparez, madame, je ne doute pas que M. Villard ne réussisse aisément à établir sa fortune dans la suite. Mais je lui conseille de s'adresser autre part que chez moi, puisque je le dispense volontiers de la préférence dont il lui plaît de me favoriser, etc. John Belmont.